Question 20. Cette balise indique un obstacle au bord de la chaussée, réponse A. Un rétrécissement de la chaussée, réponse B. La proximité d'un passage à niveau, réponse C.